Deuxième partie, chapitre 14e de l'introduction à la vie des votes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie des votes par Saint François de Sales. Deuxième partie, chapitre 14e de la très sainte messe et de la manière de la bien entendre. Premièrement. Je ne vous ai point encore parlé du très saint sacrifice et du sacrement de l'autel, qui est entre les exercices de la religion ce que le soleil est entre les astres, car il est véritablement l'âme de la piété et le centre de la religion chrétienne, auquel tous ces mystères et toutes ces lois se rapportent. C'est le mystère ineffable de la divine charité, par lequel Jésus-Christ se donnant réellement à nous, nous comble de ses grâces d'une manière également aimable et magnifique. Deuxièmement, la prière faite en union de ce divin sacrifice en reçoit une merveilleuse force, de sorte, Philothée, que l'âme qui est remplie des grâces de Dieu, des suavités de son esprit et de la force de Jésus-Christ, se trouve dans l'état que l'Écriture nous exprime en disant que la sainte épouse des Cantiques était appuyée sur son bien-aimé, comblée de délices et semblable à une colonne de fumée que le feu des bois aromatiques les plus excellents pousse vers le ciel et dont tout l'air est parfumé. Troisièmement. Faites donc tout ce que vous pourrez pour vous ménager le temps d'entendre tous les jours la Sainte Messe, afin d'y offrir avec le prêtre le sacrifice de votre Rédempteur, à Dieu son Père, pour vous et pour toute l'Église. Saint Jean Chrysostome nous assure que les anges y assistent en grand nombre, pour y honorer de leur présence ce saint mystère. Nous ne devons donc pas douter qu'étant unis avec eux en un même esprit, nous ne puissions nous rendre le ciel propice, tandis que l'Église militante entre en société avec Jésus dans cette divine action, pour nous gagner en lui et par lui le cœur de Dieu son Père, et pour nous mériter toute sa miséricorde. Quel bonheur pour une âme que d'y contribuer quelque chose de sa part par une dévotion sincère et affectueuse. Quatrièmement, si vous ne pouvez pas absolument aller à l'Église, il vous faut suppléer au défaut de la présence corporelle par celle de l'Esprit. Ainsi ne manquez pas à quelque heure du matin de laisser aller votre cœur au pied de l'autel, d'y unir votre intention à celle du prêtre et ses fidèles, et de vous occuper du saint sacrifice quelque part où vous soyez, comme vous feriez si vous étiez à l'église. Voici maintenant une méthode de la bien entendre que je vous propose. Premièrement, dès le commencement de la messe, jusqu'à ce que le prêtre soit monté à l'autel, faites avec lui la préparation, qui consiste à vous mettre en la présence de Dieu, à confesser votre indignité et à demander pardon de vos péchés. Deuxièmement, depuis que le prêtre est monté à l'autel jusqu'à l'évangile, considérez la venue et la vie de notre Seigneur en ce monde, vous en faisant une idée simple et générale. Troisièmement, depuis l'évangile jusqu'à après le credo, considérez la prédication de notre Sauveur. Faites-lui une sincère protestation que vous voulez vivre et mourir dans la foi et dans la pratique de sa divine parole et en union de la Sainte Église catholique. Quatrièmement, depuis le credo jusqu'au paternoster, appliquez votre cœur au mystère de la passion et de la mort de Jésus-Christ, qui sont actuellement et essentiellement représentés dans ce saint sacrifice que vous offrirez avec le prêtre et avec tout le peuple, à Dieu le Père des miséricordes, pour sa gloire et pour votre salut. Cinquièmement, depuis le paternoster jusqu'à la communion, excitez votre cœur de toutes les manières que vous pourrez, à désirer ardemment être uni à Jésus-Christ par les liens d'un amour éternel. Sixièmement, depuis la communion jusqu'à la fin, remerciez sa divine majesté de son incarnation, de sa mort et de l'amour qu'il nous témoigne encore dans son saint sacrifice, le conjurant par tout cela de vous être à jamais propice, à vos parents, à vos amis, à toute l'Église, et puis vous humiliant profondément, recevez avec beaucoup de dévotion la bénédiction divine que notre Seigneur vous donne par son ministre. Mais si vous voulez faire votre méditation durant la messe sur les sujets qui vous sont ordinaires, cette méthode ne vous sera pas nécessaire. Il vous suffira d'avoir au commencement l'intention d'offrir le saint sacrifice, d'autant plus que tous les exercices qui entrent dans cette méthode se trouvent ou une méditation bien faite, ou formellement ou virtuellement. Fin du chapitre 14e. Deuxième partie.